Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 87e Vapeur Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ces petites aventures. Et oui, tout doucement, la saison se termine, mais vous inquiétez pas, il y aura de l'ardif, j'en parlerai en fin d'émission. Vous êtes 550 à être abonné à la page Vampire Fix émission radio sur Facebook. Merci, c'est énorme. On commencera tout de suite avec une nouveauté, Fear of Terror de Detoxed. C'est sur l'album Modern Slavery, sorti en 2016. On retrouve Shapeshifter, Human Drift et State of Mind. Allez sur la page Facebook de Detoxed, ils sont aussi sur Bandcamp. Poursuivre avec une autre nouveauté, 2000 ans, le nouveau Fenris, c'est sur l'album Les Larmes de Cassandre, sorti en 2017, là il vient juste de sortir. On retrouve Œil pour Œil, Les Amants de Lutetia et Milam. Allez sur la page Facebook de Fenris, ils sont aussi sur Bandcamp, du très bon métal progressif en français. Et on continuera avec un classique, Cloud Nine de Lee Scratch Perry and The Upsetters, c'est sur l'album Best Of, sorti en 2009. On retrouve X-Ray Vision, Soul Stew et Prove It du son culte. On continuera avec Suzy Holden de Saxon, c'est sur l'album Wheel of Steel, leur deuxième album sorti le 5 mai 1980. On retrouve Motorcycle Man, See the Light Shining et Machine Gun notamment, un classique de chez classique. Et on finira ce premier bloc en live avec Spirit the Disease de Greenwich, c'est sur l'album Operation Mindcrime, leur quatrième album sorti le 2 mai 88. On retrouve I Remember Now, Revision Calling et Needle Lies. Un bon album qui vieillit super bien. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Thank you. This is one of those technical difficulties. Let's go! Toujours dans la 87e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Fear of Terror, le nouveau Detoxed. 2001, le nouveau Fenris. Cloud 9, le grand classique de Lee Scratch Perry and the Upsetters. Suzy Holden de Saxon. Et on a fini ce bloc en live avec Spring de This Is en live de Queen's Reach. On poursuivra cette émission avec une nouveauté, Classic Masher de Pixies. C'est sur l'album Head Carrier, leur sixième album sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Balls Black, Tenement Song et All the Saints notamment. Un excellent album. On poursuivra avec une autre nouveauté, Ville de le nouveau Regard Oblique. C'est sur leur album 2, sorti le 13 janvier 2017. On retrouve La Planète des Dingues, Amcor et Elle s'en moque. Un excellent album paru chez Kebra Records. Allez sur la page Facebook de Regard Oblique. Ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. Un petit like au passage, ça fait toujours du bien. On poursuivra avec une autre nouveauté, Alcool, le nouveau Darcy. C'est sur l'album Tigre, sorti en 2017. On retrouve Armageddon, Bill John et Mitraillette. Allez sur la page Facebook de Darcy. Ils sont aussi sur Bandcamp. Un petit like au passage par la même occasion. On poursuivra avec un petit classique, My Concept de Black Uhuru. C'est sur l'album Positive, sorti le 10 février 1992. On retrouve Fire City, Pain et I Create notamment. Un album qui vieillit bien. Qu'est-ce que je dis ? Un classique. Et on finira ce bloc en live, avec The Conjuring de Megadeth. C'est sur l'album Anarchy in Paris en 1997. On retrouve Peace Sells, Angry Again et À tout le monde du son culte. My nose in a book, some crap that you gave me, or something that I took. Man, he looks so good. solde de ceux qui attisent les feux. Ouais, on a l'alarme facile. Ça pue l'alcool, ça pue l'alcool. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Such depth, and she took on to my concept. Him work till him sweat, till him soaking wet. And I'm dread of cover her, sweat just a shower her. Lord, and I'm dread of cover her, just a shower her. As far as I can see, her destiny was to be free. Why? Why? On the avenue of the stars, where righteousness is abused, lovers do just what they choose. Why? I found love on this trip. I had to put on my grip. I found love at such steps. She took on to my concept. Him work till him sweat, till him soaking wet. Him long dread a cover her, Lord it a shower her. Boy, just a shower her. As far as I can see, watch her constantly, yeah, but, 'cause she was made for me. I found love on this trip. I had to put on my grip. I found love at such depths, and she took on to my concept. Soaking wet, long dread a cover her. Now sweat a shower her, Lord, it's a shower her. We'll be right back. Toujours dans la 87e Vapeur Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Classic Masher de The Pixies, Ville, le nouveau Regard Oblique, Alcool, le nouveau Darcy, pas mal de sons français cette semaine. My Concept de Black Uhuru et The Conjuring en live avec Megadeth. On continuera avec une autre nouveauté. Gimme More de Maple Magic, c'est un extrait d'un album à paraître fin 2017. On retrouve Maple Magic, Atlanta Girl et What Do You Know. Allez sur la page Facebook de Maple Magic, je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. L'album est écoutable sur SoundCloud, je filerai les liens. On poursuivra avec un son rare, Return of the Red de Nirvana. C'est sur l'album With the Lighthouse, sorti en 2003. Donc il y a des lives, des démos, de l'acoustique, bref, du gros dossier. On continuera avec Take a Lift de Jacob Miller. C'est sur l'album Mixed Up Moods, sorti en 1980. On retrouve Mr. Officer, Jolly Joseph et Election Now, un classique de chez Classic Reggae. On poursuivra avec une nouveauté, Electro Doo-Wop des Vampas. C'est sur l'album Evangelisti, sorti le 3 février 2017. On retrouve Patricia, même les plus grands ont des moments de faiblesse, et Castel Jaloux, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Over the Top de Motorhead. C'est sur l'album Bomber, sorti de leur troisième album, sorti le 27 octobre 1979. On retrouve Lawmen, All the Aces et Talking Head. Tu nous manques, Lemmy, tu nous manques. Chance I had you. Give me free, give me more, give me some key to that door. some keys to that door. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Take a lip and that's for sure then. La vieillesse, c'est comme une harlée qui perd. song is dedicated to everybody who made a noise then and me. It's called Over the Top. Vous êtes bien dans la 87e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bon bloc là. Gimme More, le nouveau Maple Magic. Return of the Red, un morceau rare de Nirvana. Take a Lift, et oui, ça crique, ça croustille. C'est du vinyle de Jacob Miller. Electrode Wop, le nouveau Les Vampas. Et on a fini ce bloc en live avec Over the Top de Motorhead. On continuera avec une autre nouveauté, Communique. Et là, il va y en avoir 3 ou 4 à la suite des nouveautés. Communique, donc, je disais, de Barricade, c'est sur l'album Sans Titre, leur deuxième album sorti le 1er janvier 2017. On retrouve Sans Titre 1, Le Contrat, Anakin, Que des tubes. Et puis, une petite reprise de Mourir pour des idées de Brassens. Allez sur la page Facebook de Barricade, ils sont aussi sur Bandcamp. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec mes points d'interrogation, le nouveau Faisal, c'est sur l'album L'Or du Commun, sorti en 2017, on retrouve Portrait de l'époque, Quelques rimes sous le ciel et Mélodie d'un jour de juin. Je suis pas très rap, mais il a du talent et en plus il est indépendant et il vend des milliers de disques. Allez sur la page Facebook de Faisal. On continuera avec une autre nouveauté, Je veux du soleil plein la vie, le nouveau Dreamcatchers. C'est sur l'album Vagabond, leur deuxième album, sorti en 2017. Et oui, ils sont luxembourgeois, eux. On retrouve Je t'aime à en mourir, Circus et Verluia avec Dan Arbraz. On poursuivra avec une autre nouveauté, Camtar de Ultra Vomit. C'est sur l'album Panzer Surprise qui vient juste de sortir là, la semaine dernière. On retrouve Calogira, Evier Metal, Chien Géant, une tuerie. Et allez sur la page Facebook de Ultra Vomit et vous pouvez commander l'album directement là-bas. On continuera et du moins on finira ce bloc en live avec A Rose for Epona de LUVIC. Et oui, il y a plein de Français là. C'est sur le Live on Tour sorti en 2012. On retrouve Helvetios, Kingdom Come Undone et Tagarneco. Un magnifique album. que toi. Et aujourd'hui c'est calme plein. SMS, MMS et mes fesses comme les mécènes, c'est la panne sèche. T'as perdu ton portable, t'as cassé ton PC, dis pourquoi t'es si loin. Le pire c'est que je te sens être bien, t'as construit ton lit, ta vie, tes amis. Je ne peux plus reculer, annuler, passer mon sentiment pourri à traverser ces départements. J'ai peur de descendre pour un jour en tant qu'un autre n'a jusqu'à traverser son appartement. Moi quand je pense à t'aimer, j'en ai encore envie, avant qu'un conso donne l'air mort et la maladie. Doté direct en pharmacie, n'a qu'il nous donne caquette, à une grosse sécurité. Et la pluie mérite tout à portée de pied. La toile ou la nasse, elle suit sur une trace. Juste un corps de moi, noyé dans cette masse. J'ai pourtant je te quitte, vas-y, communique. Voilà où j'en suis, c'est fort joli. Plus d'énergie, plus de sens à ma vie. La solitude m'éteint le jour et elle m'allume la nuit. Un signe d'étang pour aimer d'une bonne heure. Il y a pourtant dans mon cœur toujours cette lueur qui me donne envie de croire, d'espérer, de faire encore quelque chose de ma vie. Ce que t'as compris, même si c'est dur longtemps. Voilà, je pourrais comprendre la rage qui se dilate quand les fois gémissent. Pour sauver l'amour avant qu'il ne se tarisse. J'ai pas le moral, je n'y crois plus. L'écran des canons nous foutent tous dedans. J'ai pas le moral, je sens que c'est presque fini. Vas-y, faut qu'on communique. C'est l'heure numérique, tout à portée de pied. La toile ou un as reste toujours une trace. Juste un corps de toi, noyé dans cette masse. C'est pour toi je te kiffe, vas-y communique. C'est l'heure, yamique. C'est chic, la douleur menace reste toujours une phrase. Je reçois la gaz, c'est pour ton chat qui vas-y communique. La toile menace reste toujours une phrase. Les grands décadents nous poussent tous dedans. Rien qu'un communique, moi je pourrais comprendre. Pas la peine d'attendre, vas-y faut qu'on communique. Est-ce que je suis un festin sur la table que le diable désigne? Est-ce que le destin, intestable, est fait de signes? Est-ce que nos traits, nos défauts se colmatent par l'aumône? Ai-je vu des traits et défauts? Suis-je infiltré comme Matt Damon? Est-ce que je tuerai pour les miens? Boiront-ils le calice? Est-ce que certains de mes liens me trahiront pour du khalis? Est-ce qu'ils saliront ma tombe? Est-ce qu'ils vont cracher sur mes lettres? Est-ce que j'irai lâcher des bombes parce que caché dans mon mal-être? Est-ce que les mâts ont une raison? Les yeux secs, sommes-nous conscients? Est-ce à bon escient qu'on règle sur Mac mes oraisons? Est-ce que ces mecs ont du nez parce qu'ils t'apportent la cocaïne? Derrière ma porte, suis-je mal luné? Est-ce que tout ça me porte le in? Dois-je douter du meilleur? Est-ce que j'ai des prémonitions? Est-ce que j'ai les munitions pour aller shooter mes frayeurs? Est-ce que les solutions sont au plus profond de nos crânes, dans toutes nos résolutions ou dans le fond d'un jerrycan? En outre, est-ce que mes critères sont autres que ceux du milieu? Est-ce que je suis solitaire? Devrais-je foutre le camp des lieux? Est-ce que les fous sont un enjeu? Vais-je le voir si je me cartonne? Est-ce que je la joue franche? Je vois juste à la Edward Norton. Est-ce que la misère te déroute? Qu'une fois chez toi posé, est-ce que ce désert n'est qu'une route? Et moi, suis-je un Kaiser sosé? Un Kaiser sosé.

je vais rouler comme un fou. We'll be right back. like you. Vous êtes toujours dans la 87e Vapeur Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc de nouveautés là. Communique, le nouveau Barricade, mes points d'interrogation, le nouveau Faisal, je veux du soleil plein ma vie, le nouveau Dreamcatcher, Camtar d'Ultra Vomit. Ah, quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai vraiment cru que c'était Rammstein, hein, je vous jure. Hein. Et on a fini ce bloc en live avec A Rose for Epona de LUVIC. On continuera avec une autre nouveauté, Les Oubliés, c'est le nouveau ADX, c'est sur l'album Non Serviam sorti en 2016. On retrouve L'Aube Noire, L'Énigme Sacrée et La Fury. On continuera avec Take Me to Jamaica de Ziggy Marley, c'est sur l'album Family Time sorti le 5 mai 2009. On retrouve Family Time, Cry Cry Cry et All Them Joe, un classique. On continuera avec Roundup de Asian Foundation, c'est sur l'album Tank sorti le 28 février 2005. On retrouve Flyover, Hop et Take Back the Power, un album qui vieillit bien, ça serait cool s'il refaisait un truc, non? On poursuivra avec, c'est du culte, c'est du classique, c'est tout ce qu'on veut. Raccrocher, c'est une horreur de Birkin et Gainsbourg, c'est sur l'album Birkin et Gainsbourg sorti en 1973. On retrouve le canari est sur le balcon, un aquaboniste et Didou Didouda, Johnny Jane, enfin bref, du son culte. Et on finira ce bloc en live, avec Don't Look Back de Peter Tosh. C'est sur l'album Bush Doctor, sorti en 1978. On note l'apparition de Keith Richards et Mick Jagger dès les premiers morceaux. On retrouve Pick Myself Up, I'm the Far West et Bush Doctor, un classique de chez classique. We'll be right back. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. In my eyes, and you know I'm feeling fine. Take me to Jamaica now, where the reggae rhythms beat. Can't help but move my feet. Take me to Jamaica now, where we can live in the country, eat fruits from the tree. Everything's Irish. Coconut water is sweet. Where the three little birds they sing. Blue mountains are happy again. Take me to Jamaica now. Billy Caribbean breeze. Stress is calling but I can't be reached. Take me to Jamaica now. Where we can meet with good people. Dance all the day, singing, don't worry, one love, one heart, one aim, aim, aim. Hummingbirds humming by, see the pretty yellow butterfly. Take me to Jamaica now. In the north where the crickets sing, fireflies are jumping, so take me to Jamaica now. Where we can live in the country, eat fruits from the trees. Everything's Irish. The coconut water is sweet. The sun is in my eyes, and you know I'm feeling fine. Take me to Jamaica now. Where the reggae rhythm beat, I can't help but move my feet. Take me to Jamaica now. Take me to Jamaica now. Take me to Jamaica now. When you hear them marching drum, you know they're gonna blot out the sun. When you hear them marching drum, you know say your time soon come. Hammer coming down fast, flag is flying full march. Shoot your ride from the blast, you know we won't be the last. It's a roundup, it's a roundup. It's a roundup, it's a roundup. Rifle butt through the door, then you kick through the floor. Headlines screaming for more, now you're a prisoner of war. In the roundup, it's a roundup. This is a countdown to the crackdown. Time to take a little trip downtown. Stick up from the fit up straight to the knock up, through the touch up and the drug up to the rough up. It's just a start up, so watch your speed up. It ain't enough to just put up and shut off. This is a round up. I'm out of the end of the tether. Charges coupled together, the senses is forever. It's a roundup. It's a roundup. Stone floor for a bed with a hood in the head. Helicopters overhead. Maybe I'm already dead. just a roundup. When you hear them marching drum, you know they're gonna blot out the sun. When you hear them marching drum, you know I say your time soon come. Your time soon come. Your time soon come. You say nothing. They come from Muslims. You say nothing. They come from anti-globalists. You say nothing. They come from liberals. You say nothing. They come for you. And who will speak for you? Who will speak for you? This is a countdown to the crackdown. Time to take a little trip downtown. It's the road. Get in the line. This is a bona fide government stinker. From the fin up, straight to the knock up. Through the touch up and the jug up to the rough up. It's just a start up, so watch your speed up. It ain't enough to just put up and shut up. This is a round up. When you hear the marching drum, you know they're gonna blot out the sun. When you hear the marching drum, you know I said your time soon come. Soon. Devine, des bisous tout partout. Raccrocher, c'est une horreur. acte sexuel. Tu pourrais pas m'oublier un peu? Petite, devine un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Raccrocher, c'est une horreur. Yeah. On vient d'écouter Les Oubliés, le nouveau ADX, Take Me to Jamaica de Ziggy Marley, Roundup de Asian Dub Foundation. Raccrocher, c'est une horreur, un grand classique, ça c'est très rare de l'entendre à la radio, de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Et on a fini ce bloc en live avec Don't Look Back de Peter Tosh. Et cette 87e Vampire Freak touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cet été, il y aura des rediffusions sur différentes radios. Les liens, ce sera toujours les mêmes. Donc, du coup, je ferai une émission spéciale pour la 90e et dernière, la Der des Der. Elle s'appellera comme ça. Et donc du coup on finira cette émission avec Business Business de GC Garonne. C'est la bande originale du film Les Frères Pétards avec Jacques Villeret et Gérard Lanvin. Villeret qui aurait eu 66 ans dernièrement. C'est une dédicace à Grand Tony du Puy-en-Velay qui est un fan de ce film. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. N'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Business.